des morceaux et déchire le coton, qui reconstitue le voilà qui apparaît, et j'apparais à l'intérieur. Le vieux maître des yeux, un visage écœurant, serrant sa cape bleue. Je ne repousse pas le chemin qui n'a jamais eu.